monde, bout du monde, ce n'est pas loin. On croyait au fond de soi faire un voyage à n'en plus finir, mais on découvre la platitude de la terre. La terre, notre image. Et c'est maintenant le bout du monde, cela ? Il faut s'arrêter, on en est là. Il faut maintenant savoir entreprendre le pèlerinage et s'en retourner à rebrousse-pas de notre venue, avec le dépit à nos trousses de cette déconvenue, et s'en retourner à contre-courant de notre mirage, sans tourner la tête aux nouvelles voies de notre richesse. On a déjà trop attendu au bord d'un arrêt tout seul, on a déjà trop perdu de cœur à s'arrêter. Nous groupons alentour de l'espace de ce que nous n'avons pas, la réalité définitivement acceptable de ce que nous pourrions avoir. Des colonies et des possessions et toute une ceinture d'îles, faite à l'image et amorcée par ce point au milieu central de ce que nous n'avons pas, qui est le désir.